Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dirigé le concours des tankistes de l'armée populaire de Corée 2017. Y ont pris part les équipages des tankistes sélectionnés dans les grandes unités combinées de l'armée. Les tanks qui sont partis suivant l'ordre par grandes unités combinées définies par le tirage ont surmonté 8 obstacles installés sur le trajet de 3,6 km. Après les tirs sur les cibles mobiles et immobiles, on a synthétisé les notes de conduite et de tir pour définir le classement. Le dirigeant suprême a écouté le programme du concours au poste de surveillance et a donné l'ordre de commencer les exercices. En regardant les tanks qui foncent en franchissant d'un seul trait les obstacles de toutes sortes, il a dit que leur performance est excellente, que les tanks qui survolent au-dessus les montées escarpées à la vitesse maximum sont vraiment spectaculaires et que les tanks sont vraiment le symbole de notre armée populaire et son point d'acier. Le concours est terminé par le classement suivant. Division de tanks numéro 105 Lugansu Séoul, lauréate du titre de Kuni, grandes unités combinées 966, 567, 313, 233, 604, 593, 287, 337, 324, 526, 549, 264, 757 et 671. Le dirigeant suprême a dit que le dernier concours a montré nettement que nos tankistes se sont formés en vrais guerriers capables d'accomplir en toute indépendance et facilement toutes les missions de combat en parcourant les zones d'opération libérées du Sud à bord de leur carrosse sans rival, avant de présenter les instructions pour l'achèvement des préparatifs de combat des unités de tanks et des sous-unités. Le dirigeant suprême a rencontré les tankistes qui ont participé au concours et s'est entretenu avec eux. Il a apprécié haut l'unité militaire qui a triomphé aujourd'hui comme exemple de toute l'armée dans les premiers exercices militaires et politiques de la nouvelle année. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a exprimé l'attente et la confiance que tous les tankistes fonceront à toute allure pour écraser à plate couture les positions ennemies sous les chenilles de fer une fois éclatée la guerre, et s'est fait photographier en souvenir avec eux.